les députés coréens de l'Assemblée populaire suprême ont visité le 13 coron, l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Pochambo et le haut lieu historique de la révolution de Lee Myung-soo. Arrivés à Pochambo, ils ont déposé les bouquets de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung érigée au bord de la rivière Karim avant de lui rendre hommage. Après avoir fait le tour de l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Pochambo et du haut lieu historique de la révolution de Lee Myung-soo, ils ont organisé l'exposé des souvenirs des partisans anti-japonais en campant en plein air. Le 14 coron, ils ont visité les campements de Chongbon, de Kuncheon et de Paegyebong. Et devant le grand monument de Sam Ji-yeon et les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées à l'arrondissement de Sam Ji-yeon, ils ont juré d'accélérer la progression victorieuse du socialisme, suivant fidèlement le dirigeant suprême Kim Jong-un. Le même jour, ils ont remis les matériels d'assistance aux constructeurs qui créent l'innovation dans l'aménagement de l'arrondissement de Sam Ji-yeon et ont travaillé avec eux.